quelques soirs, épongeant les déboires des alcooliques du comptoir. Touche noire pour les coups de cafard, touche blanche qui danse en cadence. Excuse-moi, GG, la demoiselle qui était là la semaine dernière, là, celle qui chantait sur le piano, est-ce qu'elle sera là la semaine prochaine ou dans deux semaines? Non, parce qu'elle chante vraiment bien, enfin, j'aime beaucoup quoi. Et parfois même, elle est là, assise les jambes en tailleur, elle fait battre le cœur des âmes envoûtées qui l'écoutent chanter. Secret à ses boucles dorées, berçant les clients chaque soir, épongeant les déboires des alcooliques du comptoir. Touche noire pour les coups de cafard, touche blanche qui danse en cadence. Écoute, moi, Didier, je pense que la culture c'est quelque chose d'essentiel. Sans culture, je sais pas si vous pouvez. La culture c'est important. Allez, tchao. Rouge à la boutonnière du pianiste laisse échapper dans l'heure un petit côté intimiste. Ambiance feutrée sur ronde fumée, lumière tamisée des fins de soirée, versant les clients chaque soir, épongeant les déboires des alcooliques du comptoir. Touche noire pour les coups de cafard, touche blanche qui sur les trottoirs de la capitale, qu'une foule de parapluies se hâte sous la grisaille. Moi je préfère venir ici, me mettre à l'abri, m'asseoir à une table et prendre un verre au bar. Ils me font rire lorsqu'ils parlent de leur lit branché, ce genre de club à la mode où l'on s'entend à peine parler. Et même s'il paraît qu'ici c'est démodé, rien ne vaut l'ambiance ringarde.